Okay, 1, 2, 3, 4. it's the tick of my fight, yeah. I never spoke to ever on to God. Looking for lyric. Putain, c'est plein de pubs ce truc. Émotion centurée. Je vais essayer avec mes accords là. C'est les mêmes accords, hein. It's the same chords. It's the same chords. It's the same chord. Allez, j'ai pas changé d'accord moi. La merde, c'est pas mal ça aussi. Bass. Looking for bass. Don't... I like this. I am looking for the bass sound. Okay. Putain. Okay. Okay. Okay, I love the bass. Attends, ça va pas. Okay. Putain, j'ai plus de son là. If you play the first émotion censurée, j'en ai plein les containers. Thank you. karaoké. Comment on peut faire là? Ok. One, two, three, four. Émotions censurées, j'en ai plein le conteneur. Je m'accroche au cendrier, je m'arrange pas les maxillaires. Ok. Ok. Je sais pas où c'est le départ. Ah bah il y a un bassiste. Tu me dis quand j'enlève la basse. Tu me diras quand j'enlève la basse. Ok. When I start to sing four mesures. Ok. Alors non. Attends, il est le truc. Il est où le machin? Émotions censurées, j'en ai plein le conteneur. Je m'accroche au cendrier, m'arrange pas les maxillaires. Section rythmique, section combat, effet secondaire, séquelle. À l'analyse, il sortirait que je suis pas d'équerre. Vol de nuit sur l'Antarctique, j'attends la prochaine guerre. Jamais d'escale, jamais de contact. Perdu la boussole. Merde, c'est un peu compliqué en fait. Je vais rester que sur le premier. Salut Jean-Pierre. Attends, je vais faire un truc.